en avait marre d'attendre, Super Smash Bros. Se brôle. Il est enfin arrivé, c'est pas vraiment trop tôt. C'est tellement un bon jeu, ça c'est vraiment de la bol. La sortie de Super Smash Bros. Brawl. Un Smash Bros. Avec bien sûr Mario, qui a traîné à cause de Nintendo. Avec Solid Snake en perso à débloquer. Et en plus il se joue bel et bien online. Le terrain de Mario Bros, Olimar c'est Pikmin, une super balle Smash et son mode online. Putain, ils ont vraiment pris le temps, je veux dire, faut vraiment 6 mois pour traduire un jeu en 8 langues. Et pourquoi les ricains ils y ont droit avant nous? Et puis aussi pourquoi on n'a pas simplement une seule date internationale? Parce que je vous jure l'avoir attendu, ça m'a rendu complètement dingue. On en avait marre d'attendre Super Smash Bros. Brawl. Il est enfin arrivé, c'est pas vraiment trop tôt. C'est tellement un bon jeu, ça c'est vraiment de la bonne. La sortie de Super Smash Bros. Brawl. Mewtwo s'est fait jarter par Lucario. L'émissaire subspatial et le mode scénario. L'éditeur de stage grossit à mesure des combats. Mais pour les mi-jouables, c'est une rumeur bien basse. La zig de Donkey Kong, le stage Pictochat, celui de WarioWare et son mode online. Ouais, franchement, ça va être dur de se lasser d'un jeu parce que là, ils ont mis tout mis à fond. Le mode aventure est méga long avec 30 niveaux. Il y a plein de persos et de stages à débloquer. Et puis il y a les trophées et aussi les autocollants qui rendent les persos plus balèzes. Enfin bon, là, je vais pas avoir assez de place pour te dire. On en avait marre d'attendre Super Smash Bros. Brawl. Il est enfin arrivé, c'est pas vraiment trop tôt. C'est tellement un bon jeu, ça c'est vraiment de la bol. La sortie de Super Smash Bros. Brawl. Zelda Twilight, Andros Trophée Head, et même Little Mac, et son mode online. En plus, dans le jeu, ils ont aussi mis des jeux NES, comme ça, ça permet de tester avant d'acheter sur la console virtuelle. Et d'ailleurs, grâce à la chaîne Weebly, on va pouvoir download des suppléments, on peut même sauvegarder des photos de bastons sur nos cartes SD. Je sens que le net va être en maille de screenshot. On en avait marre d'attendre Super Smash Bros. Brawl. Il est enfin arrivé, c'est pas vraiment trop tôt. C'est tellement un bon jeu, ça c'est vraiment de la bol. La sortie de Super Smash Bros. Brawl. On en avait marre d'attendre Super Smash Bros. Brawl. Il est enfin arrivé, c'est pas vraiment trop tôt. C'est tellement un bon jeu, ça c'est vraiment de la bol. La sortie de Super Smash Bros. Brawl. On en avait marre d'attendre Super Smash Bros. Brawl. Il est enfin arrivé, c'est pas vraiment trop tôt. C'est tellement un bon jeu, ça c'est vraiment de la bol. La sortie de Super Smash Bros.